On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I've been to the moon. Yo! On the road. Yo! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30, une émission pleine de surprises ce soir, puisque nous devions recevoir dans les studios les membres de la fanfare saugrenue. Je les attendais de pied ferme, malheureusement le Covid s'est invité. Alex, le chanteur et le leader de ce groupe, est cas contact, plus contact que contact humeur. Donc, eh bien voilà, ils seront de retour dans l'émission sous peu, allez, on se dit janvier ou février 2022, donc l'émission n'est pas annulée, elle est décalée et du coup, nous retrouverons la fanfare saugrenue plus tard, mais là nous allons retrouver une heure et demie de musique diverses et variées, beaucoup beaucoup de nouveautés, quelques petites vieilleries. Ça s'appelle On the Rocks et on commence par le coup de cœur. Diggy Big Feet. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. On va commencer avec un album gorgé de musique, puisque c'est un double ou triple album, je ne sais pas. En tout cas, il s'appelle Highway Butterfly, et voilà, c'est l'album d'hommage à Neil Casal. Neil Casal, qui était un habitué de l'émission, j'ai diffusé énormément de morceaux de Neil Casal, j'ai eu la chance de l'interviewer. Je suis allé le voir deux fois en concert, c'était à Orléans, d'abord au Caveau des Trois-Maries, et puis ensuite à La Source, avec son groupe, c'était Easy Malaise, je crois que c'était avec Easy Malaise qu'il était passé à La Source. Un des plus grands songwriters et un des plus grands artistes américains. Voilà, pas vraiment reconnu à sa juste valeur, plutôt reconnu en tant que guitariste dans la deuxième partie de sa carrière, et pourtant les morceaux qu'il a écrits sur ses 5-6 premiers albums sont des perles absolues. Et bien le monde de la musique s'en rend compte, et voilà, il y a plus des dizaines de reprises de Neil Casal sur cet album hommage qui vient de sortir, album posthume, puisque Neil Casal s'est suicidé l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant je crois. Vous pourrez retrouver sur ontherocks.net, toujours sur le site ontherocks.net, dans l'onglet émission spéciale, l'émission hommage que j'ai réalisé à la mort de Neil Casal. Et bien nous allons passer un extrait de cet album. Alors je vais pas vous raconter d'histoire, pas mal de gens que je ne connais pas du tout sur cet album qui reprennent des morceaux de Neil Casal. Les meilleurs morceaux, le morceau SoundCloud n'est pas repris, alors ça c'est quand même assez étonnant. En tout cas voici une belle version, alors qui n'atteint pas les versions de Neil Casal parce que sa voix est assez irremplaçable. No One Above You, c'est la version de Marcus King and Eric Krasno, dans The Rocks, pour ouvrir cette émission tranquillement. Voilà, imaginez que vous êtes en train de rouler sur une longue route au milieu des États-Unis, eh bien ça va vous faire du bien. Et un petit clin d'œil donc à Neil Casal, le regretté Neil Casal. Vous êtes dans The Rocks, c'est comme ça toutes les semaines, sur le www.ontherocks.net en différé. J'oublie un W, vous le remettez, ça en fait 3. Rediffusion sur ZEF à Blois, et puis en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, c'est là où vous êtes maintenant. The night is almost dead. Waking up in Dallas, and the lights are low and dim. We all want somewhere to begin. I sent for my prescription, but it hasn't shown up yet. Très américain et très très cool. C'était Marcus King et Eric Krasno juste en ouverture avec No One Above You dans The Rocks sur cet album hommage à Neil Casal. Et à l'instant, c'était Jesse Malin qui revient avec un bien bel album lui aussi. C'était un extrait de cet album, ça s'appelle Greener Pastures. Si vous branchez maintenant, sachez que la fanfare saugrenue qui était annoncée ce soir dans les studios pour cause de Covid, bien, ça sera repoussé au début 2022, mais nous les retrouverons. Et là, nous retrouvons là maintenant tout de suite dans The Rocks quelqu'un que je diffuse pas mal depuis quelques temps. Il vient de sortir un nouveau morceau, donc je le diffuse, pas parce que j'ai l'habitude, mais parce qu'il est bon. Dust Fight Room, c'est dans The Rocks, et c'est maintenant. In the dust-filled room, she wished that the cigarette could last forever. But the fire died down and the cigarette burned out. And the room grew dark, she got it. Outside. Oh, I know that chair I've sat there. As one goes out, another one sits down. In the dust-filled room, they wish that their cigarette could last forever. We'll be right back. encore des nouveautés dans The Rocks. D'abord, il y a eu Steve Gunn avec Dust, File, Room. Et à l'instant, c'était The Felice Brothers. Bah oui, ça ressemble beaucoup à du Bob Dylan grande époque, mais ils le font vraiment très très bien. The Felice Brothers, donc avec To Do List. Si vous avez une liste de choses à faire, c'est le moment, To Do List. Et moi, je vous conseille sur votre liste d'écouter le dernier album des Chivas, qui est vraiment très très bien. Voilà, donc n'hésitez pas, ça peut être dans en tête de liste, hein, les Chivas. Et si vous voulez un petit aperçu de ce que peut donner ce dernier album, eh bien moi, je vous dirai ceci. So sure that I can. So sure that I won't Rock and Soul cuivré et chaleureux de Nathaniel Ratcliffe à l'instant dans The Rock avec What If I, tiré de son excellentissime dernier album. Nino Ferrer chantait Je voudrais être un noir. Eh bien, je crois que Nathaniel Ratcliffe est en train de réussir cet exploit pour un blanc. C'était magnifique. Je vous conseille vraiment le dernier album de Nathaniel Ratcliffe. Et puis juste avant, The Shivas avec If I Could Choose. Allez, encore une nouveauté dans The Rock. Et puis après, il y aura quelques petites vieilleries et quelques petits retours aussi incroyables que je suis passé un peu à côté, enfin je vous en parle juste après. Voici une nouveauté, ça s'appelle The Wide Feathers dans The Rocks avec Alvarado. C'est du rock donc ça tombe bien. But an early morning nouveauté toute chaude d'abord dans The Rocks avec The Wild Feather et Alvarado. Et à l'instant, c'est un groupe qui s'est reformé en 2019. Alors, je suis complètement passé à côté. Et pourtant, Dieu sait si j'aimais ce groupe. Je l'ai vu pas mal de fois en concert. J'avais 20 ans. J'étais étudiant à Tours. Et oui, Duduche, au bar des Trois Orfèvres, nous y étions. Eh bien, en 2019, ils se sont reformés presque dans la formation originelle puisque le bassiste est malheureusement mort entre-temps. Mais il y avait José Butez, le leader, et c'était Mr. Moonlight. Et oui, Mr. Moonlight, groupe de Rouen fabuleux qui a sorti 4 albums. Sur scène, c'était vraiment un power trio incroyable. Maintenant, ils sont 4. Et voilà, Mr. Moonlight sur scène, c'était la moitié, c'était des compos, et quels compos. Et puis le reste, c'était des reprises. Ils reprenaient les Plimsolls. Et surtout, ils étaient fans de R.E.M. Et en particulier, à l'époque, quand j'avais 20 ans, il y a 30 ans, ils reprenaient ce morceau. ça fait du bien, ça. C'était les Dogs. Et oui, je dansais tout seul dans les studios, je dois avouer. Checking with Linda. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas passé un extrait de cet album des Dogs, sorti en 1982. Peut-être un des tout meilleurs albums de rock français, chanté en anglais, certes. Mais rock français, vraiment album fantastique des Dogs et groupe fantastique qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Alors cet album est considéré comme un chef-d'œuvre par le milieu du rock'n'roll. Mais enfin, le grand public n'a jamais vraiment connu les Dogs. Et Dominique Laboubé, très classe chanteur des Dogs, d'ailleurs cet album s'appelait Too Much Class for the Neighborhood, eh bien est mort malheureusement sur une scène de New York il y a quelques années, en plein concert. Les Dogs, Checking with Linda, avec cette version fantastique. Je vous conseille tout cet album, Too Much Class for the Neighborhood. On a rarement fait mieux. Et puis juste avant, c'était R.E.M. avec The One I Love. Tout cela était un peu ancien, donc nous allons dans The Rocks revenir à des choses un peu plus contemporaines. Si vous aimez le punk mélodique, on peut appeler ça comme ça? Oui, je crois, c'est maintenant. You wasted all my time, now I despise you. You're a loser just like me, and fuck your friends too. Cause I don't like you. I don't give a fuck about you or anything that you do. I would rather suck dick than to listen to you. Had a cold ass heart till I gave it to you, and you broke that shit like I knew you would do. Why are you so stubborn? You left me with nothing. No, I just can't stay sober, cause it feels like this ain't over. I don't like you. You lost my fucking trust and I feel lied to. You wasted all my time, now I despise you. You're a loser just like me, and fuck your friends too. Cause I don't like you. You so goddamn ugly when you cry, why'd you do me like that? You were pretty when you're nice till your heart turned black. I remember when you told me that you had my back, but you stabbed that shit when I caught you a jack. You're so predictable, so fucking typical. I just can't stay sober, cause it feels like this ain't over. I don't like you. You lost my fucking trust and I feel lied to. You wasted all my time, now I despise you. You're a loser just like me, and fuck your friends too. I don't like you. Bendy. I don't like you. I'm gone. You lost my fucking trust and I feel like yeah. You wasted all my time. No, you did waste my time. You. You're a loser just like me and fuck your fuck your friends. Cause I don't like you. I Don't Like You. Alors moi j'aime bien ce morceau. I Don't Like You. Donc c'était une nouveauté. C'était Milky Sad et juste avant c'était Betty Rays avec ce super morceau qui était On My Own. Allez, on va passer à quelqu'un maintenant qu'on diffuse souvent dans The Rocks. Elle revient et ça c'est un vrai plaisir. Elle a failli passer en concert à Orléans dans Pop Up aussi également. Elle, eh bien ça s'est pas fait. J'espère que ça se fera bientôt. Voici un hommage à un comédien que nous connaissons tous sous le nom de Brandelmouche, puisque c'est lui qui jouait dans La Mouche et dans plein d'autres films très très bien d'ailleurs. Il s'appelait Jeff Goldblum, et le morceau s'appelle Jeff Goldblum. C'est simple. destroy you. And all your bitterness, my God, it's bittersweet for me to do. Come on, I wanna show you. I got you now. I got you now. You're kinda like a bad tune. C'était Yamu Mathiel d'abord avec Jeff Goldblum, mais à l'instant c'était Petty Mouse, encore une nouveauté dans The Rocks avec Got You. Allez, voici un groupe qu'on suit dans The Rocks depuis bien longtemps, il s'appelle Big Sif. Ils sortent un album ou deux par an, alors la chanteuse de temps en temps en sort un tout seul dans son coin, et puis hop, un autre album de Big Sif. C'est toujours très bien, c'est souvent acoustique, souvent tranquille, et là il y a un morceau tiré de leur dernier disque qui est absolument fabuleux. Je vais vous le passer maintenant, ça s'appelle Time Escaping, et le début du morceau est incroyable, on a l'impression que ça tape au hasard, tape sur des tonneaux, sur des gros pots, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, comme disait l'autre. Ça tape un petit peu au hasard, et voilà, et puis ça se structure, et puis ça devient une sorte de transe. Vraiment, c'est un morceau assez génial, d'une sorte de cacophonie de timbales au départ. Ça donne un très très bon morceau qui est un de mes morceaux préférés de la semaine. Donc j'invite toutes et tous, et les abeilles et tout le monde, à se mettre pieds nus et à danser sur ce morceau pieds nus. Voilà, d'ailleurs j'attends que vous enleviez vos chaussures. Pour ceux qui ont des doubles nœuds, c'est un peu plus long. Vous enlevez vos chaussettes, allez-y. Les chaussettes, voilà. Et vous mettez debout. Et donc vous dansez pieds nus sur ce morceau. C'est parti, c'est maintenant. nouveauté dans The Rocks à l'instant, c'était Gracie Gray avec le morceau Alien Lover, tout attaché. Et puis juste avant, c'était Big Sif avec Time Escaping. Allez, on va calmer un peu le jeu pour la fin de l'émission. Comme vous en avez l'habitude, généralement, je ralentis un petit peu pour vous envelopper de douceur pour aller faire dodo ou pour écouter l'arrêt d'arc du sport au lit, sous la couette. Ça, c'est comme vous voulez. Ça sera juste après On The Rocks. Voici une nouveauté. Ça s'appelle The Solitude et c'est un morceau de Bédouin. Ce qui fera dire sûrement à Fafa, c'est un tir de Bédouin. In your rusty brown hair. speedy ranger, wherever you go. Bedouin avec The Solitude et à l'instant c'était Cat Power, évidemment Sean Marshall avec I Sing of Angels, un morceau qui figure sur la bande originale du dernier film de Sean Penn. On peut retrouver également sur cette bande originale Glenn Hansard, et puis il y a Eddie Vedder qui livre des morceaux assez fantastiques. J'ai entendu 2-3 morceaux du dernier album solo, du prochain album solo d'Eddie Vedder. C'est moyen, donc je vous conseille plutôt de foncer sur cette bande originale de film. Et sur cette bande originale de film, Eddie Vedder et Glenn Hansard ont composé des morceaux, mais il y a également une reprise. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de R.E.M. avec The One I Love, eh bien si vous aimez R.E.M., c'est votre soirée, puisqu'il reprend, Eddie Vedder reprend le morceau Drive de R.E.M. Et j'avais dit à Duduche qu'il y aura un autre morceau qui lui plairait. C'est maintenant, mais j'espère que ça va plaire à tout le monde également. Oh, mais si on faisait partir le morceau au début du morceau, qu'est-ce que vous en pensez? Voici Eddie Vedder avec sa reprise de Drive. Smack, crack, bushwhack, tie another one to the rat, baby. Hey, kids, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Tells you what to do, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did. Maybe you walked. Maybe you rocked around the clock. Thank you. tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive to get on. Prononcer, c'est Grimrin et Tizen. Alors, Grimrin, ça s'écrit G-R-M-L-N. je ne sais pas comment on peut prononcer ça, on dirait un peu Gremlins, mais sans les consonnes, sans les voyelles, c'est peut-être ça. Le morceau, en tout cas, était magnifique, ça s'appelle Northern Lights, ça vient juste de sortir. Et puisqu'on était dans les morceaux magnifiques qui viennent juste de sortir, eh bien, voici un morceau de Christian Lee Houston avec Strawberry Lemonade. Ça me donne envie de raconter une blague. Alors, c'est Toto qui va au mort. Ah, bah, j'avais pas fini. In a dream, drinking strawberry lemonade, feeding quarters to a pinball game, and getting paid to look the other way. My foam finger slapped me right in the face. I banged my head on the plexiglass. I can't remember where my house is at. And this mom's against drunk driving that keeps playing on a loop in the back of the cab. What a pitiful hill to climb. Every night of my evil fucking life, 2:08 to the end of the line. I swear I'm really done this time. I said goodbye to my oldest friend. Could barely string together sentences then. $100 bill folded into his hand. I'll see you on the other side of the fence. I need headphones to fall asleep. I close my eyes and I pretend to be in my little room on Rosemary. Stepdad reading Treasure Island to me. Pain is a way you can move through time. Visit people that are gone in your mind and smooth over every wrinkle you find. The truth can't hurt you if you know it's a lie. I've had this thing that Joan said to me, circling in my head the last few weeks. We were raised on dreams that keep turning my fingers green. Our baby boomer's last acid trip. Pushing up a casket lid, just some jacaranda petals in a basket, wrapped up in plastic. Everything is an accident. God's truth is elastic. We send a man to the moon and back again, strapped into a trash can. feel like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my C'était Michael Kiwanuka dans On The Rocks. Presque terminé cette émission avec Beautiful Life. Et juste avant, c'était Christian Lee Hudson. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce soir. Un gros bisou à l'abeille. Et nous allons terminer cette émission avec justement un morceau de Joe Jackson. Et oui, en concert, Joe Jackson Band. Band comme le groupe, je vous rassure. Il sera en concert donc au mois de mars prochain. Ce sera à Tours. J'y serai, je pense. J'espère qu'il reste des places. J'ai pas réservé. Et si vous voulez savoir à quoi peut ressembler Joe Jackson sur scène, ça peut ressembler à ce qu'on va écouter maintenant, mais pas forcément, puisque Joe Jackson est toujours assez surprenant et toujours assez inattendu. En tout cas, voilà, ça va faire plaisir de retrouver cet artiste qui, pour moi, est un artiste absolument majeur des années 70-80 et qui, sur scène, reste toujours surprenant. Voici donc un de ses tubes, Is She Really Going Out With Him? Est-ce qu'elle va vraiment sortir avec lui? Et est-ce que vraiment tout le monde va aller voir Joe Jackson en concert? Je l'espère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une émission spéciale Camélia Jordana, avec l'interview que j'ai réalisée à l'Astrolabe de la très belle actrice comédienne, chanteuse Camélia Jordana. On en reparle la semaine prochaine, mais je vous laisse entre les mains expertes de Rémi, qui j'espère ne va pas me lancer une bouteille pendant que je tirerai un cornet. Rémi, non, il a l'air calme. C'est très bien. C'est parti, rendez-vous la semaine prochaine et voici Joe Jackson. Is she really going out with me? Something going wrong.